dans vos catalogues. Y'aura jamais ma tête dans vos catalogues. Y'aura jamais de brolique dans mon pantalon. Jeune BE, j'ai pas l'accent du Nord. Je viens de là où ça parle catalan. Combien de fois j'ai évité de travailler. Demain c'est loin, t'inquiète pas, je me rattrape à l'aube. Pour changer de vie, on a 4 années. Pour changer de ville, on a 4 années. On part pas en mer quand on met les voiles. L'équipe dans cristalline, c'est pas d'eau minérale. Des voitures qui roulent sans les anges l'hiver. Les murs de ma ville n'ont pas rajeuni. Ici la perspective d'avenir est mince. Surtout si le détective t'a mis les pinces. Ici rien n'est fictif, personne n'est réceptif au 2 plus 15. Des bulcras, des hommes ordinaires en bushka tous les soirs d'hiver. Ne traîne pas dans la zone de guerre. C'est BE, c'est les hommes derrière. Si tu erres dans mon sanctuaire, ça devient mortuaire. Pour te faire, certains sortent la plume. Pour te faire, certains sortent le fer. Des bulcras, des hommes ordinaires en bushka tous les soirs d'hiver. Ne traîne pas dans la zone de guerre. C'est BE, c'est les hommes derrière. Si tu erres dans mon sanctuaire, ça devient mortuaire. Pour te faire, certains sortent la plume. Pour te faire, certains sortent. On l'a fait sans leur pub et sans leur contact. On n'est jamais parti, y'aura pas de combat. J'arrive fort comme qui, j'arrive fort comme Biggie. Fort comme Billie Jean ou Walter White. Ils sont morts comme Kennedy, morts comme Pac. Qui reviennent comme Kenobi. J'suis revers comme Range, ils sont morts comme Mange. Brooklyn, Camo, BE, Starter Pack. Nouvelle sortie, encore une masterclass. J'avance comme si j'étais coursé par les decks. J'avance comme si j'avais zéro sur la Mastercard. Agressif comme père de TN. Là pour laisser ma trace, pas mon ADN. La vie un chasse, pour la main, j'touche le bois de mon opinel. Des bulcras, des hommes ordinaires en pushka tous les soirs d'hiver. Ne traîne pas dans la zone de guerre. C'est BE, c'est les hommes derrière. Si tu erres dans mon sanctuaire, ça devient mortuaire. Pour te faire, certains